Après, t'as autre chose, t'as le blues, mais ça c'est autre chose, quoi. Bon, avec la planta, avec le blues, etc. De l'autre côté, là, il y a aussi la prod jazz, guitaristique. Hein. La bossa aussi, standard à la Tom Jobin, tout ça. C'est ça, Jobin, Anthony ou... à la Django Reinhardt, là, ça c'est terrible, ça j'ai toujours ce truc là en tête là. Même moi je sais même pas, mais c'est de la couleur quoi, c'est une approche guitaristique, mais c'est de la couleur quoi. C'est ça qui... Mais les classiques aussi, c'est franchement une autre approche. J'ai écouté des interviews, tu sais, des Louis Malmsteen là, qui avait transposé la guitare électrique là, sur le, bah, comme toi tu fais sur les classiques là. entrée dans une nouvelle ère. Thank you.